Semaine de rentrée donc, quatre grands entretiens vont jalonner ce début de cette troisième saison de la méthode scientifique avec pour commencer, non pas un parrain ou une marraine, mais les deux scientifiques dont les travaux ont remis en question jusqu'à la notion même de vivant. Leur découverte de virus géants il y a 15 ans a permis de défricher ce qu'ils appellent eux-mêmes la matière noire de la biologie. Ces virus de la taille d'une bactérie en sommeil depuis parfois plus de 30 000 ans remettent en question non seulement l'apparition de la vie, mais aussi le modèle de l'évolution cellulaire génétique. Chantal Abergel et Jean-Michel Clavry, chasseurs de virus, c'est notre premier grand entretien à deux voix pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour à vous deux, Chantal Abergel et Jean-Michel Clavry. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Voilà, s'il y a un petit décalage, je précise pour nos auditeurs que vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Marseille. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être nos premiers invités pour cette troisième saison, ce qui fait de vous officiellement la marraine et le parrain de cette nouvelle saison de la méthode scientifique. On vous remercie, ça nous fait très plaisir. Chantal Abergel, je rappelle que vous êtes directrice de recherche CNRS au laboratoire information génomique et structurale à Aix-Marseille Université. Jean-Michel Clavry, vous êtes professeur de médecine également à Aix-Marseille Université, chercheur à l'Institut Microbiologie de la Méditerranée du laboratoire Information Génomique et Structurale. Alors, quand on pense virus géant, on s'imagine des virus ancestraux piégés dans le permafrost ou le pergélisol en français, ou dans les glaces millénaires aux confins du monde. Or, il s'avère que l'un des virus géants que vous avez identifié assez récemment, d'ailleurs, vous l'avez trouvé au pied d'un chêne marseillais dans le 9e arrondissement. C'est tout à fait vrai. C'est un pandoravirus qui a été appelé pandoravirus quercus. Vous voulez en savoir plus? Oui, dites-nous un peu comment est-ce que vous l'avez découvert, finalement, quasiment en bas de votre laboratoire. Oui, ben, dans les faits, les premiers, on allait les chercher dans des endroits très exotiques, en se disant que c'était, on savait pas quel était, combien ils étaient présents sur Terre et dans les océans. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on les trouvait absolument n'importe où on les cherchait. Et en effet, au pied d'un chêne à côté du laboratoire, on a identifié un membre de la famille des Pandoraviridae, tout simplement. Alors on va réexpliquer évidemment ce que sont ces virus géants. Il y en a, on les a découverts assez récemment, il y a une quinzaine d'années. Vos travaux d'ailleurs ont été précurseurs en la matière. Mais avant tout cela, on va se rafraîchir un peu la mémoire. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un virus? Écoutez la définition qu'un journaliste en donne en 1949. Dans le monde des microbes, il existe des êtres beaucoup plus petits et bien plus simples de structure que les bactéries. Ce sont les ultravirus, ou virus filtrants, qu'on a d'ailleurs tendance aujourd'hui à appeler plus simplement virus. Alors que chez les bactéries apparaît encore le rudiment d'une structure cellulaire, celle-ci n'existe plus chez les virus. Certains d'entre eux paraissent même se réduire à une seule molécule géante, ce qui les situe à la frontière séparant le monde vivant du monde inorganisé, d'où l'intérêt majeur qu'ils présentent pour les biologistes. Les virus sont responsables de nombreuses maladies infectieuses, souvent redoutables, qui atteignent l'homme, les animaux, les végétaux et les bactéries elles-mêmes. Parmi les maladies qu'ils infligent à l'humanité, il faut citer le rhume banal, la grippe épidémique, la rougeole, les oreillons, l'herpès, la varicelle, la variole, le typhus exanthématique, etc., etc. Voilà le journaliste Fernand Lotte hein, dans cet archive du 2 mars 1949 de la radiodiffusion française. Cette définition du virus, elle a pris un petit coup dans l'aile récemment, Chantal Abergel? En l'occurrence, oui, elle a pris un grand coup dans l'aile. Parce qu'en fait, la découverte de ces virus géants, et ça, Jean-Michel, c'est son petit cheval de bataille, donc je vais le laisser parler de son... Vas-y, Jean-Michel. Oui, c'est extraordinaire de voir à quel point, oui, Jean-Michel Clavry, c'est de voir à quel point tous les obstacles épistémologiques correspondant à la philosophie de Bachelard sont représentés par ce petit texte, parce que voilà, les virus sont petits. Pourquoi ? Parce que le premier virus qui a été trouvé par définition était tout petit. Ils sont filtrants, ils sont plus simples. Tout ça, c'est une généralisation hâtive des virus que l'on connaissait à l'époque. Et en plus, on voit ce virus toujours extrêmement menaçant, qui cause des maladies graves et tout ça. Et donc tout cela, bien sûr, est totalement remis en question maintenant, puisque les virus ne sont pas nécessairement petits, ils sont pas nécessairement simples. Et surtout, la plupart des virus qui existent dans l'environnement, à l'heure actuelle, ne nous causent aucun problème. C'est heureusement d'ailleurs, parce qu'il y en a tellement dans l'environnement que s'ils étaient tous infectieux pour l'homme, ça serait dramatique. Est-ce que vous pouvez... Oui, bien sûr, Chantal Berger, allez-y. Je voulais compléter aussi sur le fait que cette découverte des premiers virus géants a quand même chamboulé aussi la manière dont on percevait les virus, avec une notion qui est apparue relativement rapidement, que en fait, on surinterprétait ce qui était la particule virale. On considérait que le virus c'était la particule virale, et dans les faits, la particule virale n'est pas le virus. Le virus, c'est le micro-organisme qui se développe à l'intérieur de la cellule qui l'infecte. Donc c'est justement, c'est par rapport à ce que disait Jean-Michel, cette notion de vivant n'est pas appropriée quand on considère la particule virale, et elle le devient lorsqu'on considère ce micro-organisme dans la cellule infectée. J'en profite pour citer Bachelard, parce que ça c'est le dernier obstacle de Bachelard, c'est l'obstacle dit verbal. Effectivement, on a utilisé pendant très longtemps ce mot virus d'une manière qui était beaucoup trop vague, puisque ça voulait dire à la fois, et on le voit encore dans toutes les articles modernes, le virus en tant que particule dans sa petite boîte, et le virus en tant que procédé biologique qui a lieu dans une cellule infectée. Donc effectivement, le virus, c'est à la fois la boîte, mais là, il est totalement presque minéral et on va dire non vivant. Et puis quand il se réveille, quand cette boîte va féconder une cellule qu'elle infecte, à ce moment-là, le vrai virus se dévoile en tant qu'organisme biologique à partir du moment où il infecte une cellule et qu'il met en branle tout le processus. Voilà. C'est un peu, pour résumer ou pour faire une analogie que je vous laisserai commenter, c'est un peu comme si on considérait un œuf comme un animal inanimé, c'est-à-dire cette particule virale, ce virion, alors qu'il faut effectivement prendre en compte pour le virus l'intégralité de son cycle de vie, c'est-à-dire de cet état que vous définissez comme quasi minéral, presque inanimé de virion, qu'on retrouve, et ce dont on parlait tout à l'heure dans le pergélisol, jusqu'à des dizaines de milliers d'années après, jusqu'au point de l'infection, de la réplication de son matériel génétique dans une cellule hôte, etc. C'est exactement ça, c'est vraiment une image qui est parfaitement claire, et on pourrait presque parler d'œuf encore non fécondé, si vous voulez, dans le sens où la particule virale va avoir besoin de la cellule pour initier ce procédé. Donc c'est presque, l'œuf n'est pas encore en soi vivant. D'accord ? Tout à fait. Jean-Michel Clavry, alors peut-être pour... Comment est-ce qu'on peut caractériser aujourd'hui, en tout cas vraiment, est-ce qu'on peut tracer une ligne ? On parlera du vivant et du non-vivant tout à l'heure, mais vraiment pour définir en termes de biologie cellulaire ce qui distingue un virus d'une cellule ou d'un organisme unicellulaire, quelles sont les lignes de différentes qui continuent de subsister, en tout cas les lignes de partage qui continuent de subsister entre ces deux entités ? Oh ben c'est très simple, parce que en fin de compte, ces lois, cette discrimination a été parfaitement décrite par Lvov dès les années 50, en 1957, par un article Princeps de Lvov, le pasteurien, qui dit en fin de compte que les virus essentiellement ne savent pas synthétiser leurs protéines eux-mêmes. Ce sont des parasites obligatoires d'une cellule, mais la vraie raison pour laquelle ils sont parasites, c'est qu'ils n'ont pas de capacité de synthétiser leurs protéines, donc ils n'ont pas de ribosomes. Donc effectivement, on n'a pour l'instant toujours pas trouvé d'exception à cette règle vraiment, qui est une règle absolue pour l'instant, les virus par définition. Et c'est comme ça d'ailleurs que quand on a maintenant un nouveau virus et qu'on en fait le contenu génique, on se rend compte qu'effectivement c'est un virus à partir du moment où on ne trouve pas de protéines ribosomales dans ce virus. Si je peux compléter. Bien sûr, allez-y Chantal Bergène. Je pense qu'il y a un autre processus qui est vraiment critique en ce qui concerne les virus, c'est que les virus ne se divisent pas au sens où les cellules se divisent. C'est-à-dire qu'une cellule mère va donner deux cellules filles. Dans le cas d'un virus, à partir du moment où on a ce micro-organisme qui se développe dans la cellule, il n'y a pas réellement de division, parce que en fait, le système n'est pas confiné à l'intérieur d'une membrane. Donc on n'a pas de division, et c'est peut-être aussi pour ça que il n'y a pas besoin de transporter des ribosomes ou ce qu'il faut pour faire des ribosomes, parce que le virus venant au milieu de la cellule a accès directement à ces ribosomes. Il n'en a pas vraiment besoin. On peut préciser rapidement que les ribosomes, ce sont ces petits mécanismes qui permettent de transcrire l'ADN en protéines, enfin l'ADN en ARN, puis l'ARN en protéines, et effectivement que le virus va utiliser justement toute cette mécanique de production de protéines qui est dans la cellule qu'il va... Alors, je vais utiliser le mot infecté, mais je sens que je vais me faire taper sur les doigts. Non, pas du tout, c'est parfait. Ok. Oui, c'est parfait. Alors, la difficulté de définir un virus par rapport aux êtres cellulaires, en fin de compte, est venue aussi bien du virus, des virus géants, qui sont devenus de plus en plus complexes par rapport à ce que l'on pensait au départ, mais aussi du fait qu'on a découvert et qu'on continue de découvrir des bactéries qui sont de plus en plus simples également. Mmh. Et donc, on découvre de plus en plus de bactéries auxquelles il manque des choses que l'on pensait essentielles à la vie cellulaire avant. Et donc, c'est pour ça que les deux domaines se télescopent un peu. On va bientôt avoir beaucoup de mal pour certaines bactéries très, très diminuées et réduites de comprendre vraiment si elles sont des bactéries encore ou en train de devenir des virus. Et on a vraiment la difficulté, il y a vraiment une frontière qui devient un peu plus flou, puisqu'il y a maintenant des bactéries, par exemple, qui sont tellement petites qu'on se demande comment elles font pour empaqueter tous les mécanismes fondamentaux qui sont nécessaires à la vie cellulaire. On va revenir dans un tout petit instant justement à votre découverte et à ce lien ou peut-être ce pont qu'on va peut-être réussir à faire un jour entre ces bactéries extrêmement simplifiées et ces virus extrêmement complexes. Aujourd'hui donc on est bien d'accord, il y a un consensus pour dire que le virus ne se définit effectivement plus par sa taille, ni non plus, on a longtemps dit, par un patrimoine génétique finalement extrêmement simple, simplifié, qui comprend très peu de gènes et très peu d'ADN. Aujourd'hui ça a été complètement balayé également, Chantal Bergel. Tout à fait. En l'occurrence, c'est ce que vous êtes en train de dire soulève d'ailleurs un travail qui a été publié récemment par notre laboratoire et qui montre que, en effet, on peut avoir des génomes de virus très très complexes, mais la surprise aussi de ces génomes, c'est le nombre de gènes qui ne ressemblent à rien de connu, ni dans le monde cellulaire, ni dans le monde viral. Donc on a vraiment une foison de choses complètement méconnues dans ces virus qui ouvrent une fenêtre sur l'inconnu. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h13, nous allons parler et continuer à parler de notre connaissance dans le domaine vaste de ces virus. Et on voit que c'est une connaissance qui est encore en train de se structurer très largement, en grande partie grâce aux travaux de nos deux invités de ce premier numéro de la saison 3 de la méthode scientifique, Chantal Bergel et Jean-Michel Clavry, qui sont avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous re-raconter cette histoire, Chantal Bergel, Jean-Michel Clavry, de la découverte du premier virus géant? C'est une découverte qui s'est produite en plusieurs étapes. On l'a eu entre les mains et puis on n'a pas tout de suite compris ce à quoi on avait affaire. Oui, comme toujours, quand les choses ne sont jamais évidentes, quand on ne s'y attend pas. Et donc, en effet, le premier virus à avoir été découvert, c'était mimivirus. Et il a d'abord été isolé dans un contexte d'un épisode de pneumonie dans un hôpital en Angleterre. Et... au départ, la personne qui l'a isolé, qui a réussi donc à montrer qu'il s'agissait d'un parasite intracellulaire obligatoire sur des cellules d'un type bien particulier, qui sont des amibes, donc des unicellulaires, il croyait avoir réellement affaire à une nouvelle bactérie. Il a d'ailleurs appelé Bradford Coccus. Mais il n'a jamais réussi à démontrer que c'était une bactérie. Et il a fallu attendre plus de 10 ans avant qu'on puisse avoir vraiment une compréhension du fait qu'on avait affaire à un virus, mais un virus tellement étrange du fait qu'on pensait tous que les virus étaient forcément petits, parce que celui-là était monstrueusement grand. Il était aussi gros qu'une bactérie. Et d'ailleurs, il s'est fait appeler mimivirus parce que c'était pour mimicking microbe virus. Donc c'était un virus qui se faisait réellement passer pour une bactérie à plusieurs titres d'ailleurs. Est-ce qu'on peut préciser rapidement justement l'échelle de différence de taille qui était celle qui tenait encore avant la découverte de mimivirus en partie à travers vos équipes, Chantal Bergel? On était sur un différentiel de quelle taille? Alors, ou Jean-Michel Clavry. Un grand virus, c'est un virus qui fait de l'ordre de 100 nanomètres de diamètre à peu près. Et là, on est passé, donc ils sont par définition totalement invisibles, sauf au microscope électronique. Et là, avec les mimivirus, on passait à quelque chose qui était proche du micron, à cause d'une enveloppe en plus pleine de poils, enfin une enveloppe très spécifique, très amusante, qui l'amène à faire presque 0,8 micron, presque 1 micron. Et donc ça, on le voit très facilement au microscope optique, et donc pas seulement électronique. Et donc, en fin de compte, la véritable frontière opérationnelle entre les virus géants et les virus qui sont pas géants, c'est que ben, les virus géants, on les voit très simplement avec un microscope de laboratoire classique, alors que bien sûr, avant, il fallait un microscope électronique. Comment expliquez-vous l'un et l'autre que l'on ait mis tant de temps avant de comprendre quelle était la nature de ce premier virus géant et pourquoi finalement la biologie cellulaire qui s'est développée justement très largement, notamment grâce aux techniques optiques que vous décriviez et aux microscopes électroniques à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas vus plus tôt ? Ben justement parce qu'on les a pas regardés. En l'occurrence, ça a été vraiment une idée géniale de Bernard Lascola à l'époque dans le laboratoire de Didier Raoult, alors que lui aussi n'arrivait pas à démontrer quelle était la nature bactérienne de ce parasite. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu l'idée de le regarder au microscope électronique. Et il s'attendait évidemment à voir une bactérie sphérique quelconque, et il s'est retrouvé avec une particule virale icosaédrique, donc c'est fait de 20 triangles. Donc c'est une structure très particulière, presque sphérique, mais avec des angles, et qui est une structure caractéristique de particules virales, mais qui d'habitude sont très très petites, et là était vraiment de la taille d'une bactérie. Et c'est parce qu'il l'a regardée en microscopie électronique qu'il a compris que là, il pouvait y avoir un virus d'une toute autre sorte, un virus géant. Mais déjà à cette époque, c'était pas évident qu'on n'ait pas affaire à un phénomène de foire et qu'en fait les virus géants aient pu être occultés pour des raisons historiques qu'on pensait qu'ils étaient forcément petits. Oui, donc ça nous ramène vraiment encore une fois à l'épistémologie. Mm-hmm. Je m'excuse de m'imposer ici. Absolument pas, vous avez absolument raison, au contraire. C'est les vraies maximes de Sven Giorgi ou des gens comme ça qui nous disent que découvrir, c'est voir ce que tout le monde a vu, mais le penser différemment. Et c'est effectivement ce qui s'est passé à 4 ou 5 reprises maintenant, dans les différentes familles de virus géants. Quand on regarde la vieille littérature, bon, vieille, pas forcément très vieille, mais disons qui date de 10 à 15 ans, on voit que la plupart de ces particules virales aux dimensions extraordinaires ont été repérées par des gens, publiées dans des revues relativement peu célèbres, avec peu d'impact, parce que on les a pas interprétés correctement. Mais on voyait ces machins qui se distribuaient, qui se multipliaient dans des cellules, souvent d'ailleurs des amibes, sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Et donc c'est vraiment voir, on le voit, mais on ne comprend pas ce qu'on a en face des yeux. Et bien, de facto, une fois qu'on a commencé à regarder plus attentivement et à comprendre la nature de ces cellules étranges, eh bien, on a commencé à en voir de plus en plus, et ça a été d'un seul coup une vraie floraison, puisque très vite on a vu de plus en plus d'espèces de virus différentes. Aujourd'hui, combien en recense-t-on Alors, il y a deux réponses à votre question. La première, c'est que pour l'instant, de familles de virus géants, il y en a, on va dire, 4. Et on parle de virus dont les particules sont visibles au microscope optique. Mais en fait, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, il y a eu vraiment une prolifération de données qui montraient à quel point ces virus géants étaient ubiquitaires, qu'on les trouvait partout, mais qu'en plus, il y en avait énormément, une très grande variété. Et ça s'est accumulé au cours des années, et ça nous a montré réellement qu'on est plus confronté à un continuum entre les virus les plus petits et les virus les plus grands. La seule barrière était le fait qu'avant, pour les gens qui voulaient travailler sur la fraction virale, c'était vrai dans l'environnement, mais aussi dans tous les cas, globalement, la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils filtraient leurs échantillons et récupéraient ce qui passait au travers des filtres. Et donc, c'est vraiment ça qui a été la barrière à la compréhension du fait qu'on avait un continuum de virus qui allait des plus petits aux plus grands. Et en termes de diversité, c'est absolument phénoménal, la diversité de ces virus. Oui, il faut bien voir que cette diversité, on a mis un certain temps quand même à la cerner, puisque le premier, donc, mimivirus a été découvert en 2003. Et ensuite, on a trouvé le deuxième gros virus dans l'environnement de la même famille qu'on a appelé mégavirus en 2009. Mmh. Donc, et pendant tout ce temps-là, on était également persuadé, jusqu'en 2011 ou 2013, je ne me souviens plus vraiment, qu'il n'y avait qu'une seule famille de virus géants, qu'on appelait les mimiviridés, et qui étaient des virus qui étaient essentiellement restreints à l'infection des amibes. Et donc, on commence juste maintenant, grâce aux apports de ce qu'on appelle la métagénomique, hein, on va dans l'environnement chercher de l'ADN dont on ne sait pas d'où il vient, en fin de compte, on séquence à tour de bras, et on compare avec l'informatique ces séquences, et on découvre qu'il y a des tas d'indices comme quoi il y a une diversité absolument énorme de virus de ce type, qu'on n'a encore pas du tout isolé. Et donc, on sait maintenant qu'on a 4, 5, 6, 7, peut-être familles de virus géants, mais on ne connaît peut-être que 4, donc, comme l'a dit Chantal, mais il y en a probablement bien d'autres à découvrir. Et d'ailleurs, en 2013, c'est vos équipes, hein, Chantal Bergel et Jean-Michel Clavry, qui mettent le doigt sur une nouvelle famille, les Pandoraviridés, les Pandoravirus, avec 2500 gènes à peu près, qui sont sortis du froid. C'est vrai qu'on associe beaucoup ces virus géants à des virus ancestraux, des anciennes formes de virus, des espèces de fossiles vivants que l'on trouve dans le pergélisol, que l'on va trouver dans des sols qui sont restés congelés pendant des dizaines de milliers d'années. C'est le cas de tous les virus géants ? Non, vraiment pas. Les Pandoravirus, en fait, on n'en connaît pas d'équivalent ancien. C'est les deux autres familles, les Pitoviridés et les Moliviridés, qui ont été trouvés. Les premiers membres de ces familles ont été découverts à partir d'échantillons datés de 30 000 ans, donc de pergélisol, comme vous disiez. Donc ça, c'est les Pitoviridés et les Moliviridés. Et depuis, ce qui est intéressant, c'est que on a retrouvé énormément de membres, voire des sous-espèces de ces familles de virus anciens qui existent dans le monde actuel, moderne. En ce qui concerne les Pandoraviridés, rien n'empêche qu'on puisse découvrir un Pandoravirus qui soit très ancien, aucun doute là-dessus. Mais le premier qui a été découvert était un virus moderne. Mais comme vous dites, c'est vrai que leur nom l'indique, à quel point on était, d'abord parce que c'était la deuxième famille de virus géants découverte, on était confronté à une situation où on avait l'impression de plus rien comprendre. Quand on a découvert les Pandoraviridés, encore plus monstrueux en taille que les mimiviridés, des génomes encore plus complexes, 90% des gènes qui ressemblaient à rien de connu sur Terre. On avait vraiment l'impression qu'on ouvrait la boîte de Pandore, quoi. Donc c'est pour ça qu'on les avait appelés d'ailleurs la Pandoraviridés. Oui, je me suis emmêlé les pinceaux. Pandoraviridés, c'est, vous en avez trouvé dans la rivière, dans une rivière au Chili et dans un étang d'eau douce à Melbourne, c'est cela? C'est absolument ça, exactement. Voilà. Et c'est le Pitovirus sibiricum qui a été sorti du pergélisol en 2014. Et Molivirus en 2015. En 2015, exactement. Oui. Mais là aussi, le Molivirus. Oui, tout à fait. Hein. Oui, tout à fait. La raison pour laquelle on peut effectivement les associer à des environnements donc du type permafrost, enfin pergélisol, c'est qu'effectivement ce sont des virus qui semblent avoir la propriété d'être extrêmement solides. Là, je parle de la boîte maintenant, pas du virus lui-même. Hein. La boîte, donc le virion, est très solide et en plus infecte un hôte qui est lui-même très solide, qui sont les amibes, qui peuvent s'enquister. Et donc, essentiellement, si des choses doivent survivre ou être restées vivantes pendant très très longtemps, même si elles sont sous une forme de stase pendant très longtemps, ça va être le virus qui est très solide, plus l'hôte qui lui-même est extrêmement résistant. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on s'attend à ce que ce type de virus soit relativement présent plus souvent que les virus normaux qui sont beaucoup plus fragiles. On l'entendait hein, dans l'archive de 1949 qu'on a diffusée en début d'émission. C'est vrai que les virus pâtissent d'une mauvaise réputation dans l'opinion publique. Un virus, c'est forcément un vecteur de maladie. Et on a beaucoup entendu des discours un peu fantasmés. Nous-mêmes, nous avions fait une émission de science-fiction à ce propos d'un virus géant qui, du fait du réchauffement climatique, finirait par infecter l'ensemble de la population humaine. On parle de des scénarios un peu fantastiques où on retrouverait le virus qui a eu raison de Néandertal, tout ça c'est des scénarios réalistes ou est-ce qu'il faut absolument dédramatiser un peu finalement ce ressurgissement de virus très anciens? Bon, je dirais qu'il y a pas, rien n'est blanc, rien n'est noir. C'est-à-dire que c'est vrai que si on réactive le virus de la variole à partir d'un échantillon ancien, ce sera pas très, très, très productif. Enfin, ce sera un événement qui risque d'être relativement dramatique. Par contre, ce qui est clair, c'est que les virus on les voit comme les pathogènes de l'homme et de son environnement. Mais globalement, ce sont quand même ils contribuent réellement aux grandes avancées, si je peux dire, de l'évolution et ont une contribution très, très bénéfique à cette évolution. Et ce sont des acteurs majeurs, et ça a été compris relativement récemment, des acteurs majeurs du cycle du carbone, donc dans l'environnement. Ils ont contribué à l'émergence de ce qu'on appelle maintenant la virologie environnementale, où on comprend que ces virus jouent un rôle vraiment profond et intriqué avec le monde cellulaire dans les océans et régulent les populations planctoniques. Oui, on parle toujours, vous savez, on en parlait il n'y a pas tellement longtemps, surtout les médias, de ces énormes concentrations d'algues qui viennent pourrir les plages. En fin de compte, il faut savoir que dans les océans, un tiers des cellules d'algues, de micro-algues, meurent chaque jour d'une infection virale. Donc, en fin de compte, ces virus environnementaux marins notamment ont un rôle incroyablement important dans la régulation des populations de plancton et donc des algues, et que s'il n'y avait pas les virus dans la mer pour en tuer beaucoup, on aurait des efflorescences et ça puerait vraiment beaucoup plus. La mer serait une soupe d'épinards plutôt que ce qu'elle est actuellement. Donc c'est vraiment des régulateurs, et donc à travers ça du climat, puisque je vous rappelle que les algues sont responsables d'un tiers à la moitié de la production d'oxygène sur Terre. Donc tous ces virus sont en fin de compte des régulateurs majeurs du climat et de l'atmosphère sur Terre. Ces découvertes depuis une quinzaine d'années de virus géants posent aussi un certain nombre de questions sur l'évolution du vivant. On l'a dit, sur la nature même du virus, compris comme un cycle qui ne peut plus être conçu comme juste un élément inanimé, bien au contraire. Est-ce qu'on a une idée de l'origine de ces virus géants? Il y a deux théories un peu contradictoires, hein, qui s'affrontent. On a longtemps dit les virus, ce sont des cellules qui se sont dégradées, qui ont perdu du patrimoine génétique. C'est encore le cas? Oui, mais bien sûr que les théories continuent à exister, hein. Il y a la réduction, donc on considère que les virus puissent en effet être des descendants d'organismes plus évolués, mais il y a aussi l'inverse, donc qui est également proposé, et notamment avec les pandoraviridés, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Mais globalement, il y a une chose qui est, je pense, essentielle à la compréhension du rôle des virus dans l'évolution, c'est le fait que ce sont des parasites, comme on disait tout à l'heure, intracellulaires obligatoires, et qu'ils coexistent avec le monde cellulaire. Et parce qu'ils coexistent avec le monde cellulaire, ils contribuent à l'évolution. Ils contribuent, eux-mêmes évoluent grâce au système de cellules qu'ils infectent, et réciproquement, les cellules évoluent grâce au virus. Donc il y a vraiment une cohabitation, une coévolution de ces systèmes. Si, pour préciser un petit peu cette réponse, en fin de compte, les virus sont des parasites, et donc bon, il y a également des bactéries parasites, et donc on ne peut pas imaginer qu'un parasite soit né à partir de rien, puisque par définition, un parasite doit vivre en association avec quelque chose qui n'est pas un parasite. Et donc, c'est ça qui nous oblige à penser que les virus sont issus d'une forme de vie qui était capable de se propager sans être sans autre type de cellulaire. Mais maintenant, est-ce que ces êtres vivants unicellulaires donc étaient effectivement de la même nature que ceux que l'on connaît maintenant comme étant nos cellules? C'est justement l'objet des débats, et notamment Chantal pense que beaucoup de ces cellules primitives qui auraient pu donner lieu au virus d'aujourd'hui n'étaient pas des cellules normal, n'est-ce pas, Chantal? Ce n'est pas les cellules qu'on connaît aujourd'hui. Chantal Aberger, expliquez-nous ça, c'est intéressant. Ah, alors, l'explication, en fait, tout a émergé, en fait, des surprises qui ont été révélées par les quatre familles de virus géants sur lesquelles on travaillait au laboratoire, pour lesquelles il était clair qu'on avait affaire à des virus, qu'ils n'avaient rien en commun, si ce n'est une poignée de gènes et justement le fait d'utiliser un véhicule type le virion pour se propager. Et donc, tous ces gènes qui étaient présents dans chacune des familles individuelles correspondaient finalement à ce qu'on pourrait penser être des voies métaboliques qui étaient originales, et qui étaient des voies qui n'existaient ni dans les autres virus, ni même dans le monde cellulaire. Et ça m'avait amené à projeter une idée sur le fait que la vie ait pu émerger à partir de systèmes qui étaient complètement indépendants, à savoir qu'on ait des systèmes, des protocellules, si vous voulez, qui puissent utiliser des stratégies qui soient complètement indépendantes les unes des autres, mais qui à un moment ont pu commencer à interagir et communiquer, et grâce à cette interaction et à cette communication, produire des bons évolutifs majeurs qui ont permis l'apparition des cellules. Et à partir du moment où il y a un bon évolutif majeur, ça veut dire qu'il y a des losers et des perdants et des gagnants, parce qu'il reste que les entités sont toujours là, les protocellules sont toujours là, mais qu'on a produit finalement une génération beaucoup plus complexe et beaucoup plus compétente qui allait pouvoir donner ce monde cellulaire. Et ce que je propose, c'est que donc en fait les descendants, ces familles de virus géants sont les descendants de ces perdants de l'évolution qui n'ont eu d'autres stratégies, d'autres moyens de survivre et de propager leur génome que de devenir des parasites des vainqueurs, donc le monde cellulaire. Donc les virus géants, ce seraient en quelque sorte les perdants de l'évolution. On voit bien que quand on manipule toute cette proto-histoire cellulaire ou du vivant, on est vraiment sur des continuums qui rendent très très flou et très trouble la notion de vivant et de non-vivant, d'animé et d'inanimé. Et à ce propos, quelqu'un que vous connaissez a une question à vous poser. Vous êtes, je suis désolé de vous le dire, les premières victimes de notre question mystère. Bonjour, cher Chantal et cher Jean-Michel. Vos travaux sont remarquables sur les virus géants. Je dois dire que ça bouscule pas mal le monde biologique, enfin autour de la microbiologie et de la virologie, et en particulier en ce qui concerne les prérogatives qui étaient données aux bactéries d'être les plus petites unités du vivant. Depuis que donc vous avez découvert ces virus géants, plus les virus d'archée, les ATV, Acidemis Tutide Virus, qui sont capables de synthétiser des chaînes d'acides aminés. Eh bien, je voudrais vous poser la question, avoir votre avis, vos commentaires sur le fait qu'il se pourrait donc que la plus petite unité du vivant soit des virus, quelle que soit leur taille, même si certains sont plus grands que des bactéries. D'autant qu'on a découvert des bactéries qui sont des parasites obligatoires, ce que l'on croyait être l'apanage des virus. Donc voilà, donc je voudrais votre avis sur cette question, sur les viroïdes aussi, qui sont les plus petits agents pathogènes des plantes, bien qu'on ait démontré qu'ils sont capables de se répliquer ailleurs que dans des plantes. Donc les viroïdes, vous savez, ce sont des fragments d'ARN, tout nus, sans capside, sans enveloppe. Alors, ces particules qu'on appelle subvirales sont distantes, certes, des virus sur le plan phylogénétique, quoique je ne suis pas sûre que tout ait été investigué sur ce plan-là. Est-ce qu'on peut imaginer un continuum entre un monde pré-ARN donc, et puis des viroïdes et finalement des virus qui sont les premiers compartiments, au fond, même si ce ne sont pas des compartiments bactériens, et donc qu'il y aurait eu ensuite que le monde vivant aurait explosé à partir de ce continuum. Voilà cette question au mystère. Chantal Abergel, Jean-Michel Clavry, vous avez reconnu, bien sûr. Marie-Christine Morel, je vais vous laisser répondre à cette longue question. La question, continuum. Question est vaste. On aura bien besoin d'être deux pour y répondre, je pense. Alors, il n'y a pas de continuum. Si on reprend les travaux, donc et la clairvoyance d'André Lvoff, hein, en 57, il a bien insisté pour dire que, d'ailleurs c'était presque une boutade, les virus sont des virus. Quand on l'embêtait pour savoir justement, c'était la grosse bagarre à l'époque, est-ce que les virus sont vivants, ne sont pas vivants. Il a voulu par là bien dire qu'il n'y avait vraiment pas de continuité entre le monde cellulaire et le monde des virus, puisqu'il y avait effectivement cette capacité des cellules de faire des protéines, et d'ailleurs de produire leur énergie sous forme cet ATP dont on parle, et que les virus n'avaient pas. Et puis les virus, effectivement, ne se divisent pas, comme l'a dit Chantal, mais ils se multiplient sous forme de plein de petites boîtes. Alors, donc, chez Lvoff, il n'y a pas de continuité. Et d'ailleurs, Lvoff dit à la fin que les virus ne sont pas vivants, parce qu'il lui aussi, il fait l'erreur bachelardienne d'obstacle verbal. Il pense que virus en termes de boîte et non pas en termes de processus. Alors maintenant, la continuité des virus avec les viroïdes, c'est-à-dire là, on perd maintenant la notion d'avoir une boîte. On n'a plus qu'une molécule d'ADN ou d'ARN qui se multiplie en utilisant la cellule comme usine pour se reproduire. Eh bien là, ça dépend vraiment des auteurs. Il y a des gens qui estiment absolument qu'on ne peut pas catégoriser l'ADN qui s'auto-reproduit comme étant un virus, et d'autres, je pense comme nous, qui pensons qu'il n'y a pas une différence majeure entre les deux. Entre un plasmide. Chantal Abergel, je précise juste, hein, c'est Marie-Christine Morel pour les auditeurs, qui est professeure de biologie à Sorbonne Université, chercheuse à l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité au Muséum d'Histoire Naturelle. Oui, pour compléter ce que vient de dire Jean-Michel Clavry, Chantal Abergel. Ben, moi, il y a aussi d'autres, plein de choses dans la question. La question était très, très complexe parce qu'en fait, il y avait énormément de petites boîtes dans la question auxquelles j'aurais voulu pouvoir être plus alerte pour réagir à chacune des boîtes. Mais ce qui m'a frappé, c'est quand même que il y a une notion qui est importante, qui a été aussi amenée par la découverte de ces virus géants, c'est le fait que tout ce qui est vivant est infectable par un virus. Et quelque part, ce qui est assez intéressant également, c'est qu'il existe des virus qui sont capables d'infecter les virus géants. Donc on a des virus de virus, des virophages, qui sont capables d'infecter les virus géants. Et c'est même encore plus complexe que ça, parce que non seulement on a une particule virale qui est le virophage, qui est un virus qui est beaucoup plus petit en taille, qui fait de l'ordre de 70 nanomètres et qui va parasiter en fait l'usine virale développée par le virus, donc le micro-organisme qui se développe dans la cellule, et pouvoir grâce à ça se reproduire. Il est même capable de le rendre très malade. C'est bon à savoir, quoi. C'est assez intéressant de voir que des virus peuvent tomber malades. Quand ça va avec la notion de est-ce qu'ils sont vivants ou pas vivants. Et d'autre part, il existe un troisième partenaire, en dehors de la cellule qui est le quatrième et le on va dire l'hôte. On a également des fragments d'ADN qui sont souvent associés à ce que j'appelle le petit ménage à trois, virus géant, virophage et transpoviron. Donc on a clairement une situation très complexe qui montre que c'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir vraiment répondre à la question qui a été posée. Qu'il y a plein de pistes qu'on est en train de prospecter pour justement mieux pénétrer en fait cette nature de virus et leur position finalement dans la vie. Mais ce qui devient clair et apparent, c'est que les virus font partie intégrante de la vie. Bjork, un remix de son morceau Virus tout de suite sur France Culture à 16h38 puisque c'est le thème de notre première émission de cette troisième saison de la méthode scientifique. Les virus et plus particulièrement les virus géants, nous en parlons tout au long de cette heure avec notre marraine et notre parrain de cette troisième saison qui sont avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Marseille, Chantal Abergel, directrice de recherche CNRS au laboratoire information génomique et structurale à Aix-Marseille Université, Jean-Michel Clavry, professeur de médecine également à Aix-Marseille Université et chercheur à l'Institut de microbiologie de la Méditerranée au laboratoire information génomique et structurale. Alors, on l'a entendu dans la première partie de cette émission, les virus souffrent globalement d'une image de marque assez négative. Or, eh bien, outre le fait que tous les virus ne sont pas des vecteurs de maladies, loin s'en faut, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, aujourd'hui, la recherche biomédicale les utilise de plus en plus souvent comme médicament ou comme vecteur de médicaments. C'est le sens des travaux de la neuro-oncologue Annick Desjardins à l'Institut d'oncologie de Duke aux États-Unis. Elle et le professeur Mathias Gromeyer utilisent le virus de la poliomyélite pour traiter les glioblastomes, pardon, ce sont les tumeurs cérébrales les plus répandues. Écoutez le témoignage d'Annick Desjardins. L'idée d'utiliser le virus de la poliomyélite pour traiter la tumeur du glioblastome est venue du fait qu'il a été découvert il y a plusieurs années, en fait, que le virus de la polio est capable de s'attacher à toutes les cellules cancéreuses, les tumeurs du poumon, le cancer du sein, le cancer du cerveau, donc le glioblastome. Le virus de la poliomyélite a l'habilité de s'y attacher. Et la découverte qui a été faite ici à Duke, c'est que le virus de la poliomyélite a été modifié, donc une partie de son génome a été remplacée pour rendre le virus génétiquement modifié incapable de donner la poliomyélite aux patients. Donc, le virus que nous utilisons ne peut pas donner la maladie de poliomyélite, mais garde l'habilité d'infecter les cellules cancéreuses. Quelles ont été les réactions à la fois de votre entourage scientifique et des patients auxquels vous avez commencé à proposer cette solution comme une solution thérapeutique? Dr. Gromeyer vous dirait qu'il y a 20-15 ans de ça, lorsqu'il a commencé à débuter à discuter avec ses collègues virologues, le fait d'utiliser le virus de la polio comme un traitement du cancer, la plupart des gens lui ont dit qu'il était complètement fou. La première patiente qui a reçu le virus de la polio, elle m'a dit tout de suite, absolument, je veux participer. Sa mère m'a dit, Dr. Desjardins, on t'aime beaucoup, tu as pris très bien soin de notre au cours de la dernière année, mais t'es complètement folle. Tu ne donneras pas le virus de la polio dans la tumeur de ma fille. Et la patiente a dit non, c'est mon cerveau et je vais le faire. Donc, la publication vient de publier l'étude de phase 1, où dans l'étude de phase 1, on a traité 61 patients. Avec le virus qu'on a découvert, et qu'en fait, si on utilise trop de virus, il ne peut pas tuer la tumeur de façon efficace. Et ce qu'on a aussi observé, c'est que les patients qui étaient capables d'avoir une réponse immunitaire qui se développait contre ce virus génétiquement modifié de la polio et qui ensuite attaque la tumeur, ces patients-là peuvent devenir des patients qui survivent de façon prolongée. Donc, avec un groupe de patients qui sont maintenant toujours en vie de au-dessus de 20%, alors que, donc 21% dans l'étude de phase 1, alors que si on regarde les patients qui reçoivent de la chimiothérapie quand la tumeur revient, donc au moment de la récidive, seulement environ 14% des patients sont en vie à 2 ans et 4% des patients à 3 ans, alors que les patients qui ont reçu de la virus de la polio, 21% des patients sont en vie à 2 ans et 21% à 3 ans. Donc, on a découvert qu'on est capable d'avoir une augmentation du groupe de patients qui survivent de façon prolongée. Voilà la neuro-oncologue Annick Desjardins qui est déjointe par Antoine Beauchamp. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Chantal Abergel, Jean-Michel Clavry, de l'utilisation aujourd'hui des virus en ingénierie biomédicale ou en oncologie comme vecteur de soins? Bah oui, je connaissais pas ce travail, mais ce qui me frappe, parce qu'on a un très bon ami, quelqu'un d'absolument gentil, très gentil, professeur à Stony Brook University aux États-Unis, Monsieur Eckhard Wimmer, qui a démontré que le virus de la poliomyélite, on pouvait être synthétisé totalement artificiellement à partir de produits chimiques, si vous voulez. Donc c'est extraordinaire, parce que c'est d'une certaine manière, c'est un très bon choix de virus, si vraiment l'étude tient sur de longues années, parce que c'est vraiment effectivement un virus que l'on peut produire à la demande d'une manière chimique. C'est absolument extraordinaire. Si ça marche, effectivement, c'est une avancée phénoménale, je pense. Chantal Abergel. Bah, moi, je suis aussi tout à fait d'accord pour dire que c'est absolument fascinant, mais ce que je veux aussi mettre en avant, c'est qu'en fait, ça fait longtemps que la piste des virus est quand même utilisée comme étant des moyens de soigner. C'est une des premières fois, donc c'était avec la phagothérapie, dès les débuts, ça fait maintenant des dizaines d'années que la phagothérapie existe et est encore envisagée comme étant un moyen de le meilleur antibactérien, le meilleur antibiotique possible. Oui, on va vous mettre le lien sur le Twitter de l'émission. Pardon, on avait consacré une émission entière à la phagothérapie et c'est effectivement une piste de recherche très intéressante pour l'ère qu'on appelle post-antibiotique, c'est-à-dire au moment où les antibiotiques ne fonctionnent plus, les phages. On en avait parlé tout au long d'une émission entière. Oui, Jean-Michel Clavry. Oui, non, absolument. J'allais dire comme vous, c'est que le problème, c'est que ces nouveaux médicaments, et qui sont totalement nouveaux hein, sur le plan conceptuel, se heurtent malheureusement à des réglementations basées sur les médicaments chimiques et biochimiques, puisque effectivement, quand on utilise des virus vivants pour traiter un patient, eh ben cette population de virus va évoluer. Il y a un petit darwinisme interne qui fait qu'en fin de compte, ce qu'on injecte aux gens au début n'est pas ce qu'on va retrouver à la fin. Et donc, bien sûr, ça, c'est quelque chose d'absolument impossible à accepter dans les réglementations actuelles, puisqu'il faut qu'on sache exactement ce que l'on injecte aux gens et qu'on puisse le caractériser d'une manière absolument parfaite, ce qui n'est pas le cas de ces virus qui vont justement suivre la population de bactéries qui sont censées tuer. Les bactéries vont évoluer pour échapper au virus. Le virus va évoluer pour pouvoir continuer de tuer les bactéries. Et donc, ça pose des vrais problèmes. Et donc, il va falloir que les réglementations évoluent pour qu'on puisse vraiment utiliser ces nouvelles approches thérapeutiques. Vous ne pouviez pas me permettre de faire une plus belle transition vers la dernière partie de cette émission, puisqu'on va parler précisément de patrimoine génétique et de mutabilité. Hein. Un autre point de vos recherches plus récent dont j'aimerais que nous parlions justement maintenant, c'est celui à propos de la diversité génétique. Dans une étude qui a été publiée au mois de juin dernier dans Nature Communication, je cite en tout cas l'abstract de cette étude, les pandoravirus présentent un pangénome ouvert dont la taille énorme n'est pas expliquée de manière adéquate par des duplications de gènes et des transferts horizontaux. Qu'est-ce que cela signifie et sur quoi portent ces études qui sont vraiment passionnantes, Chantal Bergel? C'est ce qu'on a dans cette étude, ce qu'on suggère, c'est qu'en fait ces pandoravirus seraient capables de créer leurs propres gènes à partir de rien. En gros, à partir de zones intergéniques, et c'est une caractéristique pour l'instant des pandoraviridés, mais c'est également quelque chose dont on sait que ça existe dans des organismes type des organismes caryotes, quoi, des cellules à noyaux. Donc globalement, ces virus qui sont très complexes, on l'a dit tout à l'heure, qui peuvent aller jusqu'à 2500 gènes, pour lesquels pour chaque nouveau virus isolé, on se rend compte qu'on a encore des gènes de fonction inconnue qui ne ressemblent à rien de connu sur Terre. Mmh. Et c'est l'histoire de pangénome ouvert, c'est exactement ça, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on isole un nouveau membre, on va retrouver des gènes qui n'avaient jamais été vus auparavant. Et les signatures, les caractéristiques de ces gènes amènent à penser qu'en fait, en effet, les pandoraviridés seraient capables de créer leurs propres gènes, de nouveaux gènes, à partir de leur génome. Alors, il faut préciser, ouais, Jean-Michel Clavry, oui, juste, il faut préciser pour les auditeurs que ça peut paraître comme ça simple en disant, bah oui, finalement, pourquoi est-ce qu'un organisme ne créerait pas de nouveaux gènes? Il faut dire que pendant très longtemps, on a pensé que c'était statistiquement impossible que des gènes soient créés de novo pour donner une protéine qui soit immédiatement dans la bonne conformation et qui puisse être efficace. Comment est-ce qu'on contourne justement ce qui a longtemps été considéré par l'ensemble de la communauté biomédicale comme une impossibilité statistique, Jean-Michel Clavry? Ben, je vois que vous avez lu l'article très en détail. On n'explique toujours pas. En fin de compte, on constate, c'est très simple, on constate que vous avez deux virus qui se ressemblent énormément. Et dans ces virus, vous avez 95% des gènes qui sont les mêmes et à la même place. Et puis d'un seul coup, entre deux gènes, on trouve qu'il y en a un nouveau qui apparaît et dont on sait qu'il produit une protéine et dont on ne connaît pas la fonction malheureusement encore. Mais donc on se demande bien, mais comment c'est possible que ce machin-là soit apparu? Alors il est possible effectivement qu'entre ces deux virus, ce gène que l'on pense être apparu dans l'un, dans le virus numéro 1, il est en fin de compte seulement disparu dans le virus numéro 2. Mais malheureusement, quand on fait ce genre de calcul, on se rend compte que pour avoir une explication de réductionniste de ce phénomène, il faudrait avoir démarré avec 100 000 gènes. Donc ça paraît aberrant que l'ancêtre de tous ces virus aient eu 100 000 gènes. Et donc, on est bien obligé d'imaginer qu'au départ, il y avait un certain nombre de gènes communs à ces virus, et puis que, eh bien, depuis, ils sont créés de nouveau. Alors, comment c'est possible? Eh bien, c'est un petit peu quelque chose qui jette des pierres dans le néo-darwinisme classique, je dirais, puisqu'il faut expliquer que un gène peut se créer alors qu'il n'a bien sûr pas d'utilité immédiate, puisqu'il n'a jamais existé, et qu'il est toléré suffisamment longtemps pour acquérir une fonction qui devient d'une manière nécessaire à ce virus. Et donc pour l'instant, on n'a pas vraiment on n'a pas d'hypothèse ad hoc qui explique effectivement comment ce type de tolérance serait possible. si je peux compléter. Bien sûr, Chantal Berfel. Il y a une chose quand même qui est vraiment très importante aussi à considérer quand on parle de virus, justement, c'est qu'on parle d'un virus, d'un parasite intracellulaire obligatoire. Et donc, quelque part, quand il va infecter la cellule, il va produire donc, de nouvelles particules virales et il va faire ça dans un temps qui est exceptionnellement court puisque ça va être de l'ordre d'un cycle cellulaire, soit une dizaine d'heures, entre 10 et 24 heures. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça lui coûte vraiment pas cher à ce petit parasite. Il est dans une cellule, il a tout à foison et il n'y a pas de conséquence au fait d'épuiser le système. Et donc, je pense que dans ce contexte, la pression donc de sélection sur les gènes n'est pas tout à fait la même que celle qui pourrait exister sur un organisme qui serait libre et pour qui il faudrait, pour lequel ça coûterait peut-être beaucoup plus cher de créer, de faire des tests en lançant des nouveaux gènes et, qui pourraient être utiles ou inutiles, quoi. A priori inutiles au départ, voire délétères, et maintenir donc une sélection efficace darwinienne. Donc ce qui est important, je pense qu'il y a aussi cette notion d'association cellule-virus qui a un impact sur la manière dont, dont justement ces virus peuvent tolérer de l'innovation. Mmh. Non, ce qui est effectivement très intéressant, c'est de voir que la théorie de l'évolution que l'on pratique tous les jours ne prend pas vraiment effectivement en compte cette notion de parasitisme, comme l'a dit Chantal, parce que on se rend compte que bon, pour un être libre qui a façonné son génome de façon à ce qu'il lui serve à quelque chose, perdre un gène est quelque chose, bien sûr, de très délétère. Ça va moins bien quand on a perdu un gène. Pour un parasite, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'éventuellement, quand on perd un gène, eh bien, ça devient plus facile de répliquer, en fin de compte, son génome, de dupliquer ses gènes, puisqu'on en a moins. Donc, on devient plus efficace. Donc, vous voyez qu'on a, en fin de compte, une logique évolutive qui est presque inversée entre le monde du parasitisme et le monde des gens qui servent de soutien à ce parasitisme. Et bien, par ailleurs, il faut rappeler évidemment que l'extrême mutabilité génétique est une des natures même des virus et des virions qui, à force de se répliquer en très très très grand nombre, présentent un nombre de mutations génétiques plus élevées que ce que ne présente, je parle sous votre contrôle bien évidemment, la réplication de cellules, qu'elles soient prokaryotes ou eucaryotes d'ailleurs. Alors, si on considère ce que vous venez de dire en termes de multiplication massive, c'est en effet quelque chose qu'il faut considérer. Mais je vais vous surprendre, ces virus sont très très fidèles. C'est-à-dire que les polymérases qui servent à la réplication donc de ces génomes sont aussi fidèles que celles de nos propres cellules. Donc en termes de mutations, il y en a vraiment très peu. Et globalement, il ne faut pas non plus oublier qu'un virus n'a pas un cycle de vie qui est équivalent à celui d'une cellule. Comme nous, êtres vivants, ben, on ne peut pas s'arrêter en route, hein. On va du début jusqu'à la fin. Alors que le virus, il va pouvoir rester en stase pendant des durées qui sont... En gros, il a un cycle de vie qui est discontinu, puisqu'il utilise cette particule virale. Et donc, cette particule virale qui va rester inerte peut le rester très très... Ah, je crois que nous l'avons. Et donc, on a, on va multiplier plein de virus d'un coup massivement, mais après, pendant 10 ans, pour peu, la particule virale va rester en stase sans jamais produire de descendance. Ou 30 000 ans. Ou 30 000 ans, comme. Effectivement. Ou 30 000 ans, effectivement. Fameux virus, non, cette notion de l'hypermutabilité, en fin de compte, elle provient du monde ARN. Hein, elle provient du monde notamment du virus du sida. Du VIH, tous les bien virus sûr. Qui ont un génome ARN, eux sont très très peu, ont une polymérase qui fait beaucoup d'erreurs et donc qui amène comme ça une grande variabilité des différents virus issus d'une même cellule qui a été infectée. Mais c'est absolument pas le cas des virus à ADN qui sont ceux qui nous occupent aujourd'hui. Une autre question, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'origine de ces virus géants. Si on comprend bien finalement les conséquences de ce papier que je citais tout à l'heure, si ces virus sont de véritables usines à gènes, alors ça malmène tout de même l'idée que ces virus puissent être, ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, Chantal Abergel, des cellules dégradées. Et ça veut dire que, au contraire, ce sont plutôt l'inverse. Je ne crois vraiment pas que ce soit des cellules dégradées. Il est clair qu'ils ont leur propre mode d'évolution et leur propre vraiment mécanisme de complexification, si je peux dire. Donc tout ce qui est vivant va vers la complexification. On le sait tous, probablement qu'au début, la réplication, ça se faisait avec une seule protéine. Et maintenant, on a une machinerie archi-complexe pour le faire. Et de ce fait beaucoup plus précise et beaucoup plus oui, beaucoup plus précise. Eh bien, c'est exactement la même chose en ce qui concerne les virus. C'est-à-dire que dans le cas des virus, probablement, ils étaient beaucoup plus simples. En tous les cas, les mécanismes étaient beaucoup plus simples, même si on reprend le modèle de la réplication. Et par contre, ils ont pu avoir des modes de fonctionnement qui vont être ajustés à leur mode de vie virale. Et donc, ils vont eux aussi se complexifier avec des processus inventifs qui sont différent de celui qu'on peut, de ceux qu'on peut trouver dans le monde cellulaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces fameux gènes qui éventuellement peuvent prendre naissance au sein d'un génome de virus peuvent ensuite être transmis au monde cellulaire. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des transferts donc, de gènes, ce qu'on appelle les transferts latéraux, vous l'avez, je pense, cité tout à l'heure. Eh bien, il y a en gros, on se rend compte que ça va dans les deux sens. Il y a effectivement des transferts latéraux des cellules vers les virus, mais aussi souvent, il y a des transferts latéraux de gènes viraux vers les cellules. Et maintenant, il y a des cas extrêmement bien connus de transferts complet même de chemins métaboliques qui ont été qui ont évolué dans un virus et qui ont ensuite été donnés à une cellule qui les utilise. On peut rappeler d'ailleurs que notre propre ADN contient une partie d'ADN viral qui n'est pas tout à fait. Voilà. On arrive à la fin de cette émission. Un mot peut-être de conclusion. Hein. On l'a dit, tous ces travaux parmi lesquels vous avez été largement précurseur sont encore très récents. Quelles sont les prochaines étapes dans notre connaissance précisément de ces virus géants? Est-ce qu'on va continuer à en découvrir beaucoup d'espèces? Sur quoi travaillez-vous en ce moment? Je ne sais pas. Chantal Allergène? On travaille vraiment en effet sur en trouver d'autres, mais on cherche aussi à mieux les comprendre. Donc on fait à la fois des études très très fines, des cycles infectieux au niveau moléculaire, et en même temps on cherche à en trouver d'autres. Mais vous connaissez tous le nerf de la guerre. Pour pouvoir travailler sur ces virus, en fait, on a besoin de financement. Et il est clair que on parle donc de recherche fondamentale pour l'instant. On est loin de voir les applications que pourraient avoir ces travaux, hormis la connaissance a priori. Mais globalement, c'est vrai que la recherche fondamentale est plus difficile à financer que la recherche appliquée. Et donc, il faudrait théoriquement un institut pour travailler sur ces virus géants et faire vraiment progresser la compréhension donc de leur mode de leur cycle infectieux et tous les mécanismes moléculaires uniques qu'ils utilisent pour se multiplier dans les cellules. Et pour ça, il faudrait vraiment nos politiciens comprennent que de l'étude de ces de l'infiniment petit, on peut aller vers de grandes choses et de grandes découvertes. Jean-Michel Clavrie. Oui, j'aime toujours citer une maxime de Monsieur Flexner, qui est quelqu'un qui a participé à la fabrication des premiers ordinateurs, hein, avec von Neumann à Princeton, qui disait, qui a écrit tout un bouquin sur l'utilité des connaissances inutiles, parce que effectivement, les plus grandes découvertes scientifiques, les plus grands changements sociétaux qui ont été amenés par la science, l'ont été par des choses qui étaient totalement non programmées, notamment l'ordinateur, qui était juste un jeu de l'esprit pour Turing et ses collaborateurs. Et d'ailleurs, je vais renvoyer nos auditeurs à l'excellente Grande Traversée d'Amaury Chardot qui a été diffusée cet été sur les ondes de France Culture à propos d'Alan Turing. Un voyage de 8 heures de documentaire passionnant sur tous les aspects de la vie de ce génie de l'informatique. Et je vais vous remercier tous les deux puisque nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup Chantal Vergel, merci beaucoup Jean-Michel Clavrie d'avoir été les premiers invités de cette troisième saison de La Méthode Scientifique. Émission que vous pouvez retrouver évidemment comme chaque jour et tout au long de cette nouvelle saison qui s'ouvre sur le site de France Culture en podcast ou en téléchargement via franceculture.fr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci également à nos camarades du bureau de Radio France à Marseille pour le duplex. Et merci à toute la chouette équipe de La Méthode Scientifique que nous avons retrouvée avec grand plaisir. Eve Etienne, Céline Lozel, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfrance et Olivier Bétard qui nous accompagne à la réalisation tout au long de cette année. C'était aujourd'hui Kevin Boisseau à la technique. Et la suite de vos aventures scientifiques cette semaine. Demain, notre deuxième parrain de la rentrée nous parlera de l'évolution du climat sur Terre depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Nous parlerons entre autres avec lui du tipping point, de ce point de bascule à partir duquel le climat s'emballe sans qu'il soit possible de faire machine arrière. Gilles Rammstein sera notre invité demain. Mercredi, nous recevrons l'informaticien Gérard Berry. Jeudi, la philosophe et historienne des sciences Claudine Cohen pour parler de préhistoire et de paléontologie. Et vendredi, on fait le point sur toute l'actu scientifique de l'été avec nos camarades des médias scientifiques. D'ici là, on se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.